Welcome, bonjour, j'espère que tout va bien chez vous. C'est la Croisière Folk que vous écoutez. C'est un voyage merveilleux qui vous fait découvrir toutes les facettes de la musique folk. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est une émission spéciale. Il n'y aura que des artistes féminins dans cette programmation. Depuis peu, on le fait deux fois par mois. Donc, une semaine sur deux, vous retrouverez ce genre d'émission. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé le football. Je ne sais pas d'ailleurs quand sera diffusée cette émission par rapport aux différents matchs. Donc, je ne vais pas faire de commentaires. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'espère que votre équipe favorite aura gagné et que vous aurez peut-être aussi découvert des équipes que vous ne connaissiez pas, comme les Suisses, par exemple. Les Suisses qui ont éliminé l'Italie. Franchement, moi, je ne m'attendais pas à ce que les Suisses fassent ce résultat. Et si vous nous écoutez depuis la Suisse, eh bien, bravo. Et un petit conseil, que vous critiquiez ou pas le foot, sachez que dans le monde, hein, et Peut-être il y en a un près de chez vous. Il y a des clubs de foot où jouent des jeunes et ces clubs ont toujours besoin de bénévoles. Donc, que vous aimiez ou pas le foot et que vous avez peut-être envie de vous rendre utile, n'hésitez pas à frapper à la porte de votre club de foot local. Il y a plein de choses à faire et surtout aider tous ces jeunes qui ont envie d'apprendre ce sport, qui ont envie de jouer, qui ont envie de se faire des amis. Croyez-moi, vous y verrez, vous y découvrirez une ambiance assez particulière et bien sympathique. Et nous, on a commencé avec Stacy J et Seaside. C'est encore une artiste qui se produit dans ce bateau qui se balade sur les canaux en Angleterre. Ils mettent ça sur une chaîne YouTube qui s'appelle The Narrow Boat Session. Donc, ils mettent l'enregistrement de la chanson. N'hésitez pas aussi à aller voir notre page Facebook, puisque, sachez-le, la vidéo a été postée sur notre page qui s'appelle La Croisière Folk. Alors, Stacy J a découvert le ukulélé en 2019. C'est un instrument qui l'a immédiatement séduite par ses sonorités chaleureuses et ensoleillées. Et puis, lorsqu'il y a eu le confinement, elle a trouvé du réconfort et de l'inspiration dans la guitare. Elle a élargi ainsi son univers musical. Depuis toujours, Stacy exprime ses émotions et ses pensées à travers la poésie. Aujourd'hui, elle fusionne les deux. Deux passions en mettant ses poèmes en musique. Sa première chanson qu'on vient d'écouter, Seaside, est une douce mélodie qui capture l'essence d'une journée inoubliable passée au bord de la mer avec ses amis. Les vagues de ses souvenirs se mêlent aux notes de la guitare, offrant une expérience musicale à la fois intime et universelle. Et on va poursuivre avec Mirani Castillou. Il était une fois Little Roots, Train on the Island et Martine Chiasson avec La Perle Rare. Que des interprètes féminins aujourd'hui dans cette émission, La Croisière Folk. Et si vous avez envie de m'envoyer un petit mot, lacroisièrefolk@yahoo.com. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. La Croisière Folk vous invite à découvrir l'âme du folk féminin. Tu viens d'arriver et tout s'est arrêté. Un instant pour tout recommencer. Lentement et grimper l'escalier. Pas tomber, mon enfant, tu dois réessayer. Tout le temps, je t'accompagnerai. Je serai toujours là pour toi. Un morceau de l'histoire que tu raconteras. Un jour, il était tu. La croisière folle. To boldly go where no one has gone before. Quand ça frappe fort, quand ça te rentre dans le corps, quand t'as nulle part où aller, nulle part où te réfugier. Quand t'es au fond, t'as le moral dans les talons. Quand tu retrouves plus le nord, quand le nord y a l'air nulle part, regarde en toi. Ça tremble en dedans, quand l'équilibre est chambranlant, que tu regardes vers l'avant, que tu ressens le changement, quand tu lèves la tête, que tu traverses la tempête. Cette perle. l'instant, dans la croisière folk, c'était Martine Le Chiasson avec La Perle Rare. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un, deux, trois, c'est la partie de l'émission où en trois morceaux, on vous fait découvrir un album. Aujourd'hui, c'est l'album de Cina Tail de 2021, Live at the THT Galway en Irlande. Alors, THT, ça veut dire Town Hall Theatre. Alors, qui est cet artiste Cina Tail ? Eh bien, c'est une multi-instrumentiste et autrice, compositrice, interprète. Elle est née en Allemagne, mais elle vit en Irlande. Elle a remporté des prix, hein. Elle a remporté des prix comme The Hottest Act in Irish Country Music et Rising Star of the Year 2022 au American Celtic Listener Supported Music Awards. Pourquoi ils font des noms aussi longs ? Dès l'âge de 7 ans, il faut le savoir, elle jouait du piano et composait ses premières chansons. En 2015, elle a déménagé seule en Irlande pour poursuivre son rêve musical. Malgré les défis et l'absence de réseau social, elle finança elle-même son éducation musicale en jouant dans les rues de Dublin. Grâce à son travail acharné, Cina compte aujourd'hui près de 50 000 followers sur les réseaux sociaux. Elle héberge son 16e numéro 1 au hit parade irlandais des téléchargements et son album Folk Live at the THT Galway, un album qui était autoproduit et qui a atteint la 3e place du classement irlandais. Elle a même surpassé Ed Sheeran. Alors, ses chansons sont écoutées par 32 millions d'auditeurs, dont 15 000 en Irlande, et ses vidéos ont été visionnées près de 1,5 million de fois sur YouTube. Cet album a été financé, donc l'album qu'on va découvrir, Live at the THT Galway, avec 16 000 euros recueillis en 3 semaines grâce à ses fans, et ça lui a valu la couverture du magazine Irish Music Magazine, un magazine que l'on peut trouver dans tous les kiosques en Irlande. Et on écoutera 3 morceaux de cet album, The Dutchman, Never Walk Alone et Good to Be Back Home. Bienvenue, merci de faire le voyage avec nous, un voyage musical qui est comme du miel dans vos oreilles et qui vous fait découvrir toutes les facettes de la musique folk. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la la la la la. The Dutchman's not the kind of man to keep his thumb jammed in the dam that holds his dreams in. But that's a secret only Margaret knows. When Amsterdam was golden in the morning, Margaret brings him breakfast. She believes him. He thinks the tulips bloom beneath the snow. He's mad as he can be, but Margaret only sees that sometimes. Sometimes she sees her unborn children in his eyes. Let us go to the banks of the ocean, where the walls rise above the Zuider Zee. Long ago, I used to be a young man, and dear Margaret remembers that for me. The Dutchman still wears wooden shoes, his cap and coat are patched with love, and Margaret sewed in. Sometimes he thinks he's still in Rotterdam. He watches tugboats down canals and calls out to them when he thinks he knows the captain. Till Margaret comes to take him home again. Through unforgiving streets, the tripping though she holds his arms. Sometimes he thinks that he's alone and he calls her name. So let us go to the banks of the ocean, where the walls rise above the Zuider Zee. long ago, I used to be a young man. And dear Margaret remembers that for me. The windmill swirled the winter wind. She winds his muffler tighter. They sit in the kitchen. And the tea with whiskey keeps away the dew. He sees her for a moment, calls her name. She makes his bed up, humming some old love song. Learned it when the tune was very new. He hums a line or two. They hum together in the night. The Dutchman falls asleep and Margaret blows the candle out. Let us go to the banks of the ocean, where the walls rise above the Zuider Zee. Long ago, I used to be a young man. And dear Margaret remembers that for me. So let us go to the banks of the ocean, where the walls rise above the Zuider Zee. Long ago, I used to be a young man. And dear Margaret remembers that for me. Un, deux, trois. When you're weary and it's way too dark to see. When you're lonely and it's getting hard to breathe. I won't care, I'll be right there. You'll never walk alone. When you're happy and your heart is filled with joy. When you're singing, sing to me, I'll be your voice. I won't care, I'll be right there. You'll never walk alone, no. I won't care, I'll be right there. You'll never walk alone. And you can come. Truth, heaven call it paradise. I will stand by you. Hold your hand when you walk through the fire. And I'll be strong for you. When you need a friend, I'm by your side. I won't care, I'll be right there. You'll never walk alone. When you're dreaming, I'll make sure that you dream big. And if you stop believing, I'll be there so you don't quit. I won't care, I'll be right there. I'll never walk alone. And you can call it truth, heaven call it paradise. I will stand by you. Hold your hand when you walk through the fire. And I'll be strong for you. When you need a friend, I'm by your side. Stand by you. Hold your hand when you walk through the fire. I'll be strong for you. When you need a friend, I'm by your side. I won't care, I'll be right there. You'll never walk alone, no. I won't care, I'll be right there. You'll never walk alone. I won't care, I'll be. song. 'Cause in trouble and drinking wine, but I've missed this land of mine. Good to be back home. Good to be back home. Good to be back home. Good to be back home. I've been traveling a hard road. I'm looking for my gold. Tell you something, it's good to be back home. And I've seen places that'll make you cry. Swim in rivers that'll never run dry. I've been stranded on roads of dirt, carrying only my bag of hurt. Good to be back home. Good to be back home. Good to be back home. Good to be back home. I've been traveling a hard road. I'm looking for my gold. Tell you something, it's good to be back home. Découvert un bel album, l'album de Cina Tale, Live at the THT Galway, un album de 2021, The Dutchman Never Walk Alone et Good to be Back Home. C'était les trois morceaux que je vous ai fait découvrir. Et puis vous le savez, nous sommes à une date anniversaire, c'est le 125e anniversaire de la naissance de Maurice Carême. Maurice Carême, poète belge qui a vécu à Wavre, qui est enterré dans le même cimetière que Sœur Sourire. Voilà, comme ça, si un jour vous venez visiter Wavre, eh bien faites-le moi savoir, on ira boire un café ensemble. Et donc, On écoute quelques-uns de ses poèmes aujourd'hui. Pamplune, extrait du recueil La Lanterne Magique de 1947. Et puis juste après, Tracy Grammer avec I'll Be Here in the Morning, extrait de son single sorti en 2020. Caroline Schulman ensuite, Little Sparrow. Alors, c'est une chanteuse folk qui habite Denver, dans le Colorado. Et c'est une ville qui est jumelée à la ville de Brest en France. Alors, les relations entre Denver et Brest ont... Pourquoi je dis Brest? C'est un peu la folie. À mon avis, c'est le temps qui fait ça. Donc, je reviens à l'histoire. Cette collaboration a débuté en 1948. Ça fait de Brest la deuxième plus ancienne ville jumelée des États-Unis. En 1947, Amanda Knecht, qui est étudiante à la East High School, a visité cette ville de Brest. Donc, c'était une ville qui avait été vraiment marquée par les ravages de la Seconde Guerre mondiale. À son retour, elle a partagé son expérience avec ses élèves qui ont été inspiré par son récit. Et ensemble, ils ont réussi à collecter $32,000 pour aider à reconstruire l'aile pédiatrique de l'hôpital de Brest, témoignant ainsi d'un puissant élan de solidarité et d'amitié transatlantique. Et puis après, Alba Carmona a Tiempo, extrait de son premier album solo, un album éponyme sorti en 2018. Cette chanson, A Tiempo, c'est un appel au centre de soi, à la racine et à l'essence. Ce foyer intérieur auquel on peut revenir à tout moment et à partir duquel on peut s'engager sur un chemin nouveau. Il est toujours temps de redécouvrir ce qu'il y a de plus profond et de plus simple pour reprendre des forces, prendre des risques et évoluer. Voilà. Comme ça, vous savez tout. On dit que c'est à Pampelune que l'on s'embarque pour la lune. Mais il faudrait une fortune rondelette comme la lune pour s'en aller à Pampelune. Un jour, j'ai laissé mon sabot partir tout seul au gré de l'eau. Et sous les branches des bouleaux, mon cœur candide au gré de l'eau s'en est allé sur mon sabot. Dieu sait à cette heure où il vogue sur cette fragile pirogue. Et dois-je croire l'astrologue qui m'assure qu'une pirogue chaque soir dans la lune vogue? There's no stronger wind than the one that blows down a lonesome railroad line. No prettier sight than looking back at a town you left behind. And there's nothing that's as real as this love that's in my mind. Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be here for a while. There's lots of things along the road I'd surely like to see. I'd like to lean into the wind and tell myself I'm free. But your softest whisper's louder than that highway's call to me. Close your eyes, I'll be here morning. Close your eyes, I'll be here for a while. All the mountains and the rivers and the valleys can't compare to your bluely dancing eyes and yellow shining hair. I could never hit the open road and just leave you lying there. Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be here for a while. Thank you. crying eyes. I'll be laying here beside you when the sun comes on the rise. And I'll stay as long as a cuckoo wails or the lonesome blue jay cries. Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be here for a while. Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be here for a while. La Croisière Folk, c'est votre billet pour explorer le meilleur des artistes folk féminins d'hier et d'aujourd'hui. Pour les femmes chouette, les filles du bord de mer. La femme est l'avenir de l'homme. Oh, little sparrow, spread your wings and fly over the meadow in the rosy morning sky. Oh, sweet songbird, la vida y el pan, la la salle et la gerbe, la nieve et la spalta, et toi la puerta, aquello que creías imposible, el ansia de quererse solo a ratos, el miedo se hace tan impredecible. Es hora de cambiarse los zapatos. A tiempo, aún estamos a tiempo de querernos de nuevo, de subir las montañas y desatar el silencio. A tiempo, aún estamos a tiempo de nuevo, de subir las montañas y desatar el silencio. Todo vuelve a su centro, volvemos a mirarnos con la misma mirada de hace años. El cuerpo y el alma, ser madre y la tierra, la luz abre las puertas, rompe barreras. Aquello que creías imposible, el ansia de quererse solo a ratos, el miedo se hace tan impredecible, es hora de cambiarse los zapatos. A tiempo, aún estamos a tiempo de querernos de nuevo, de subir las montañas y desatar el silencio. A tiempo, aún estamos a tiempo de querernos de nuevo, de subir las montañas y desatar el silencio. A tiempo, aún estamos a tiempo de querernos de nuevo, de subir las montañas y desatar el silencio. Bienvenue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Alors aujourd'hui dans la Minute Astuce, eh bien je vais vous donner une petite recette que j'ai découverte dans le guide de la survie douce en pleine nature. Un livre écrit par François Couplan, ethnobotaniste, c'est un spécialiste des plantes sauvages comestibles. Et pour faire ce café sauvage, il vous faut différentes graines, par exemple des graines de gratron, des fans, des glands, des racines de pissenlit ou de chicorée. Vous les mettez dans une gamelle et vous les faites griller à sec jusqu'à ce qu'elles soient totalement brunes, mais attention, pas carbonisées. Vous les écrasez ensuite entre deux pierres ou deux gros cailloux et vous les faites bouillir dans l'eau, la poudre grossièrement obtenue. Alors si cette boisson, nous dit François Couplan, n'a absolument pas le goût du café, elle n'en a pas non plus les inconvénients. Les fruits du gaillet gratron, les fans et les glands sont sans doute les meilleurs succès d'année du café, avec les racines de pissenlit ou de chicorée. Voilà donc cet extrait du guide de la survie douce de François Couplan, qui vient de sortir aussi un nouveau bouquin d'ailleurs sur la récolte des plantes sauvages. François Couplan est ethnobotaniste, il est en Suisse et j'aimerais bien un jour le rencontrer. Allez, on poursuit avec Vanille, par-delà les monts,

up all night crying. I've been drinking all alone. Mama, I need to come home. Mama, I need to come home. Yeah, I can't do a thing on my own. And I've come to find out I don't want to be alone. Mama, nothing on my own. Mama, I need to come home. Les plus talentueuses chanteuses et musiciennes folk du monde entier, c'est dans l'émission La Croisière Folk. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Et voilà, c'est ici que se termine notre émission La Croisière Folk. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc, on a décidé, il n'y a pas tellement longtemps, de vous proposer une fois toutes les deux semaines, eh bien, une spéciale. Avant, on le faisait une fois par mois, mais là, on le fait plus longtemps. À la demande générale, hein, y a pas mal de personnes qui apprécient ce moment passé avec des interprètes féminins de folk. Et donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié la programmation. Si vous avez envie, eh bien, de nous écrire, c'est très simple, lacroisièrefolk@yahoo.com. On a une page Facebook aussi, qui s'appelle La Croisière Folk, où on a posté quelques vidéos, par exemple celle de Stacy J. Seaside, qu'on a écoutée en début d'émission. Elle est sur Facebook. N'hésitez pas, bien sûr, à liker cette page. Bella Hardy, Greenwood l'a dit, extrait de son album Love Song 2022, donc qui est sorti en 2022. C'est avec elle que l'on va se quitter. Merci de nous avoir écoutés, merci de votre fidélité, que la force soit avec vous et avec tous les autres, et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. I'll be back. Tenez, Madame Chapeau. Mais je ne m'appelle pas comme ça. Ce sont les crapuleux de ma strotche qui m'ont donné ce surnom, parce que je suis bien trop distingué pour sortir en cheveux. Mais je ne l'aime pas tellement, il m'a toujours mise mal à l'aise. Plongée sans complexe dans l'univers enchanteur des artistes féminines de la scène folk. If you had seen my dearest, and as I shine the clearest, his cheeks like the red blood that's new dropped on snow. He is neat, firm, and slender, and his eyes soft and tender. He'll be my greenwood laddie, wherever he goes. My parents, my darling, they slight you with scorn, for you have no money wrapped up in your it's the more I'll invite you to be my greenwood laddie. shoots down in yon bower. I've spent many's the hour of pulling the flowers by yon shaded shore. It was his sweetest kisses. Tell me, my greenwood laddie, till time is no more. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, you'd be my